présentation. Je demande à Vincent. Non. Ouais, Vincent, c'est toi qui as trouvé le nom du groupe. T'as trouvé le nom du groupe, tu vas. Il a été voté. Oui, oui, mais le projet était proposé par. Donc, en fait, c'est un atelier de l'école de musique de Val-de-Lindre. Ouais. Et du coup, qui fonctionne depuis plusieurs années plus comme un groupe que comme un atelier. Parce que du coup, il y a des gens qui restent depuis longtemps. Et donc voilà, on bosse des répertoires variés. En fait, ce qu'on a envie, enfin ce que moi j'ai envie en fait un peu. Voilà. Un peu indicateur. Un peu, ouais. C'est très démocratique. Je vous demande des fois votre avis. Ça arrive ? Oui, mais comme ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est vrai. Mais c'est pas faux. Et donc, voilà, avec des influences assez diverses, quoi. Jazz, funk, rock, jazz rock. We'll be right back. poil plus vite. Un poil plus vite. Ouais, ça ralentit. Et du coup, les cuivres ont. Du coup, j'étais sur toi. On est toujours à un certain moment un petit peu derrière, sauf à la fin sur le ternaire quand on est parti. On était devant du coup. Mais c'est bien, au mieux je joue devant. Oui, dans la première partie, sur le troisième thème, juste à la fin, au début on était un peu derrière. Hein. Je pense à moi. Quelle heure il est? Et... Alors on le refait? Allez. C'est quoi le titre en fait? My Favorite Thing, c'est un vieux standard, une comédie musicale de R. Rogers, mais c'est très connu par Coltrane. John Coltrane. La mélodie du bonheur, le film. Ah, c'est ça, mais... Et normalement, c'est da di di da da da da da di. Le film est aussi chiant qu'il y a d'accord dans ce que tu dis. Mais en vrai, il y a des versions qui sont plus. Ouais. Oui, il y a plein de versions. Oui, c'est un gros tube. J'ai joué en big band et on allait plus vite que ça. C'est un gros tube du jazz et il a été vu et corrigé dans tous les sens. Et du coup. C'est parti un tout petit peu derrière ce que voilà, on va recommencer avec le silence pour qu'ils aient la prise. C'est parti. Vraiment. Ouais, on va la refaire. Mais vas-y, pars tout seul, mais j'ai pas. Excuse-moi. Tu vas te calmer, vas-y, pars tout seul. Thank you. Comment les gars ? C'est toi qui commence. Ah merde. Thank you. Faire ça, on va faire un truc. Faire l'air ou pas? Thank you.